لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على نعمه، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. أحمده عز وجل أن أكرمنا وإياكم بهذه المجالس التذكيرية، وهي كما يدل على ذلك اسمها تذكيرية، وذلك عملا بقوله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما أقول دائما، ليس لي في هذا العمل المتواضع إلا الجمع والتنسيق، فأسأل الله عز وجل أن يجازي علماءنا ومشايخنا الجزاء الأوفى لما بذلوا ويبذلون من جهود لتعليم الأمة وتوجيهها لما يحبه الله ويرضاه. وموضوع جلستنا في هذه الأمسية إن شاء الله هو الكلام عن حق ربنا سبحانه وتعالى، الكلام عن حق القرآن الكريم الذي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. Donc louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits apparents et cachés. Je loue subhanahu wa ta'ala de nous avoir octroyé ces assises pour se faire le rappel mutuellement et pour être conforme au verset qui nous dit, dans la traduction approximative du sens du verset, et fais le rappel car le rappel est profitable, croyons. Et comme je le dis souvent, dans ce travail, je n'ai que l'effort de la compilation et de la coordination des textes qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense, nous savons, les anciens ainsi que les contemporains pour le travail et les efforts qu'ils ont faits et qu'ils font encore pour enseigner à la communauté, pour orienter la communauté vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Le sujet de notre assise aujourd'hui sera consacré à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qabla ash-shuru'i fi al-maqsoud la ansa an adhkura an ubalighakum salama akhina al-ustad Abu Safiya wal-ustad Abdullah al-Madkhoumi min madinat al-Uyun wa ikhwanna as-salafiyyin bi Qunaytira wa ba'd ikhwanna as-salafiyyin min Faransa وإخواننا بمجموعة الحديث والأطر بالمملكة المغربية. Et avant de commencer cette assise, n'oublierai pas de vous transmettre le salam de notre frère le professeur Abu Safiya de la Dar al-Hadith d'Oujdan, c'est que notre frère le professeur Abdullah al-Madkhoumi de Dar al-Hadith de l'Uyun, et nos frères salafis de l'Qunaytira et certains frères salafis de France, ainsi que le groupe de nos frères qui s'occupent de le groupe Al-Hadith Al-Athar au royaume du Maroc. Barakallahu fikum. Fa wa zuffu qabla ash-shuru'i fi al-maqsoud ya zuffu ila ikhwani bi hadhihi al-bushra min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai 'ind al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu wa arda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على رياض الصالحين عند قوله يتلون كتاب الله، قال: أن تلاوة كتاب الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى وتلاوة العمل. وذكر في تلاوة اللفظ أن يقرأ هذا وهذا وهذا، وهي على نوعين: أولا أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابع الباقون يقرؤون نفس ما قرأ، وهذا غالبا يكون في حلق التعليم. ثانيا أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأ الأول، وهلم جرى إلى. وقال: أما تلاوة المعنى فأن يتدارس هؤلاء القوم كلام الله ويتفهموا معناه. قال: وقد كان السلف لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل. قال أما القسم الثالث من التلاوة فهي تلاوة العمل، وهذه هي المقصود الأعظم للقرآن العظيم. انتهى من كلامه رحمه الله. وقال عند نزول السكينة أنها شيء يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر ولا يكون عنده قلق ولا شك ولا ارتياب، هو ذاته مطمئن. قال وهذه من أكبر نعم الله على العبد. وقال في قوله وغشيتهم الرحمة غطتهم، والغشيان بمعنى الغطاء كما قال عز وجل والليل إذا يغشى يغطي الأرض بظلامه، غشيتهم الرحمة أي رحمة الله عز وجل فتغشاهم وتحيط بهم وتكون لهم بمنزلة الغطاء الشامل لكل ما يحتاجون إليه من رحمة الله عز وجل. قال وحفتهم الملائكة أحاطت بهم يستمعون الذكر ويكونون شهداء عليهم. قال وذكرهم الله في من عنده يذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى. قال وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عز وجل، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من رياض الصالحين. وقال رحمه الله فاجتهدوا أيها المسلمون في قراءة القرآن واستشعروا أنكم تقرؤون كلام الرحمن فاحضروا قلوبكم عند تلاوته وتدبروه لتنتفعوا بالتلاوة من وجهين، يحصل لك أولا يحصل لكم الثواب، ثانيا يحصل لكم العلم والمعرفة. وهذا من خطبتي في فضل القرآن. فلا بد لنا أيها الإخوة الكرام أن نستشعر عظم نعمة الله علينا بإنزال هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، نورا نستبصر به وعلما نهتدي به ودليلا نحتج به ونستند إليه. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ولنتأمل هذه الأمور الأربعة التي جاءت في الحديث عن أبي هريرة: السكينة، الرحمة، إحاطة الملائكة، ذكر الله سبحانه وتعالى. انظر أين يمكن للإنسان أن يحظى بهذه الأمور؟ ها؟ قل لي بربك أين يمكن أن يجدها الإنسان؟ فلا يمكن أن يجدها في ملاعب الكرة ولا في الملاهي ولا في السينما ولا في المسارح ولا في المقاهي، بل إنما تكون في المجالس التي يكون فيها قال الله قال رسوله قال الصحابه الكرام. والموفق من وفقه الله، فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا وإياكم على ما يرضيه حتى نلقاه. يا بون خيرنا الله سبحانه وتعالى avant d'entamer le sujet je transmets à mes frères et à mes sœurs cette nouvelle de notre messager عليه الصلاة والسلام، cette bonne nouvelle de notre messager عليه الصلاة والسلام et cette belle annonce dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par l'imam Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque fois que des gens se rassemblent dans l'une des maisons d'Allah pour y réciter le Coran et l'étudier, la sérénité descend sur eux, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les enveloppe, les anges les entourent et Allah les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. L'imam ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, dans l'interprétation du hadith dans Riyad Salihin, il dit concernant, il récite le livre d'Allah, il a dit la récitation du livre d'Allah est de trois sortes. La première, lire le texte. La deuxième, lire le sens. La troisième, le mettre en application, c'est-à-dire le suivre. Et le verset, il est clair. « وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا » Et la lune, quand il suit le soleil. Donc, tilawa vient avec le sens suivre. Hein? Concernant la lecture du texte, il a dit « parmi ». Et il a commencé à détailler ces trois formes de lecture. Il a dit « parmi l'assemblée », un lit, puis l'autre, et l'autre, ainsi de suite. Et il a dit, il y a deux manières au niveau de la lecture. Le lecteur lit une page ou deux, Le deuxième lit les mêmes pages et tous les présents vont faire de même, chacun à son tour. Il dit en général, cette façon se pratique dans les assises de la mémorisation du Coran. Hein? Il a dit la deuxième forme de lecture, le premier lit une page ou deux, le deuxième va lire une page ou deux, mais la suite, ils n'ont pas les mêmes pages, et ainsi de suite jusqu'à la fin du cercle. Et il a dit, quant à la lecture du son, c'est que l'assemblée étudie la parole d'Allah, la comprenne, car les pieux prédisseurs ne dépassaient pas dix versets avant de les avoir compris, et après la science qu'ils renferment et la mettent en application. Il a dit, quant à la troisième partie de la lecture, c'est la mise en pratique du Coran, et c'est le but principal pour lequel le Coran est descendu. Ceci est un bref résumé des paroles de Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi pour bien assimiler le sens de la réunion autour du Coran. Et pour nous, parce que certains ramènent des ambiguïtés. Dit, regardez, le verset dit, on se rassemble. Donc on peut le lire ensemble, en synchronisant les voix, et on aide tous en même temps. Et ceci n'est pas vrai, c'est pas ce qui est voulu dans la parole du prophète alayhi sallam, et c'est pas l'interprétation que les pieux prédisseurs d'Allah alayhi ont donné au sens de ce hadith. Et concernant la descente de la sérénité, il a dit rahimahullah, c'est quelque chose avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala apaise le cœur, il lui donne la quiétude, il lui dissipe la tristesse, il lui dissipe le doute, le trouble d'esprit. C'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant, il a mis au record les enveloppes, c'est-à-dire, il les enveloppe comme cela est dit dans la traduction approximative du sens du verset, concernant par la nuit, quand il recouvre le monde, c'est-à-dire recouvre la terre par son noir. Ce qui veut dire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les enveloppe, les entoure de tous les côtés, comme une couverture complète. Et il a dit, rahimahullah, concernant les anges les entourent, c'est-à-dire les cernent et écoutent avec eux l'évocation, le rappel, et ils seront des témoins pour eux. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Et ceci, il dit, rahimahullah, et ceci est conforme à l'autre hadith, le hadith Qudsi, où la signification de la parole d'Allah nous dit, celui qui m'évoque dans une assemblée, je le citerai dans une assemblée mieux que la sienne. Donc le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu Allah prouve les mérites de se réunir pour l'étude du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fin des citations des paroles voulues de la parole de l'imam l'Uthaymin rahmatullah alayhi. Qu'Allah, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la réussite à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Et qu'on médite ce qui est contenu dans le hadith, c'est quatre choses. La sérénité, le fait d'être entouré par les anges, le fait d'être enveloppé par la miséricorde d'Allah, et le fait d'être cité et évoqué par Allah subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'on peut avoir ceci? Nulle part, ni sur les terrains de foot, ni dans les salles de sport, ni dans les cinémas, ni dans les théâtres, ceci, ni Dieu qu'à ceux qui sont dans les assises où il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala, on entend, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le messager dit, alayhi sallatu salam, les nobles compagnons ont dit, etc. فهذا القرآن الكريم الذي وصفه رب العزة سبحانه وتعالى بأنه نور وهدى وشفاء كان يفرح به الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من كل شيء. روى مسلم في فضائل أم أيمن أنها لما زارها أبو بكر وعمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها بكت فقال لها الشيخان ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ولكني أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء. انظر أين حزنها. صحابية من الصحابيات كانت حاضنة ومرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر حزنها في ماذا؟ أن الوحي انقطع من السماء رضي الله عنهم أجمعين. وجاء في تفسير ابن كثير عند هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذكر عن بقية يعني ابن الوليد عن صفوان بن عمرو قال سمعت أيفع بن الكلاعي بن عبد الكلاعي يقول لما قدم خراج العراق إلى عمر خرج عمر ومولاه فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك فجعل عمر يقول الحمد لله الحمد لله ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته فقال عمر كذبت وهذه الكلمة معناها أخطأت ها؟ فقال عمر كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون وعمر رضي الله عنه يشير إلى ماذا يشير إلى الآية التي قبلها التي فيها ذكر القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Et ce nom du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme guidé, comme lumière, comme guérison, faisait la joie des nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Plus qu'autre chose, il était la source de leur bonheur et de leur joie. Muslim rapporte, rahimahullah, dans les mérites de Mu'ayman, qui était la nourrice du prophète, alayhi salam, et la femme de Zayd ibn Haritha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Il rapporte que quand Abu Bakr et Omar, ont visité Ayman après la mort du messager alayhi salam, car le messager alayhi salam l'a visité. C'est pour ça qu'Abu Bakr et Omar l'a visité, radhiyallahu alayhim. Ayman a pleuré. Et les deux nobles compagnons, hein, Abu Bakr et Omar, ont dit à Ayman, tu sais que ce que le messager, c'est Allah, est mieux pour lui. Ayman a dit, certes, mais je pleure car il n'y a plus de descente de la révélation du ciel. Et ils ont pleuré avec elle à ce moment-là. Hein? Regarde cette femme, radiallahu anha wa ardaha, parmi les compagnons du prophète alayhi salam, regarde ce qu'il a fait pleurer. Le fait que la révélation ne descend plus. Hein? Et regarde comment les deux grands de cette communauté ont pleuré avec. Et regardez cette tristesse qu'ils ont par le fait que la révélation ne descend plus du ciel. Et cela nous prouve pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour être les compagnons de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans l'interprétation du Coran d'Ibn Kathir, rahimahullah, concernant ce verset, dont la traduction nous dit cela, dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est meilleur que toutes les vanités qu'ils amassent. Il est rapporté chez Ibn Kathir, rahimahullah, de Baqiya ibn al-Walid, qui le rapporte de Sufwan ibn Amr, qui a dit que Aïfa ibn Abd al-Kulla'i a dit, contre la zakat de l'Irak qui est arrivée à Médine, Omar radiallahu anhu arda est sorti avec son serviteur la voir. Omar comptait les dromadaires qui étaient très nombreux, plus que ce qu'il attendait. Et Omar ne cessait de dire, louange à Allah, alhamdulillah. Son serviteur de dire, ceci, par Allah, fait partie de la grâce et de la miséricorde d'Allah. Omar lui a dit, tu te trompes. Mais la grâce d'Allah, c'est ce qui est dit par Allah, dont le verset, dont la traduction approximative nous dit cela. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est mieux que ce qu'ils amassent. Et ce que tu vois fait partie de ce qu'ils amassent. Fin des citations des paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah. Il fait allusion à quoi, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, arda. Il fait allusion au début, au verset qui est passé dans lequel le Coran est cité, dont la traduction approximative nous dit cela. « Ô gens, vous est parvenu de votre Seigneur une exhortation, c'est-à-dire le Coran, et une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir, ceci est mieux ce qu'ils amassent. » Farah Omar, radiyallahu anhu ardah, wa Abu Bakr, wa Ayman, wa Sahaba bil Coran, laysa bi gharib. عن هؤلاء الكرام، فهذا أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع قال: فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتهاجها وسرورها كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففضل الله ورحمته، يقول رحمه الله: ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان، فمن فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالقرآن غاية الفرح. ذكر مسلم رحمه الله من حديث أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغف أغفى إغفاءة، ها، أي أغمض عينيه لوقت يسير، ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبطر. لما نزلت عليه هذه السورة قام عليه الصلاة والسلام من إخفائه مسرورا فرحا مبتسما، ورأى الصحب الكرام الابتسامة في وجهه وسألوه فأخبرهم بسبب هذا السرور وهذا الفرح، أنه كان بسبب نزول هذه السورة صلوات ربي وسلامه عليه. Donc, frère Allah subhanahu wa ta'ala, rien d'étonnant dans la joie d'Abu Bakr, d'Omar, d'Ayman concernant le Coran. Ah, ils ont appris cela du messager alayhi salatu wassalam. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rapporte dans le recueil du Fatawa, il a dit, rahimahullah, le plus haut degré de la joie du cœur, c'est sa joie complète avec ce qu'a ramené le messager alayhi salatu wassalam. En ayant la joie et l'apaisement avec, comme Allah le dit dans la traduction approximative du sens de ce verset, ceux auxquels nous avons confié le livre se réjouissent de ce qui t'a été révélé. Et comme il est dit dans l'autre traduction de l'autre verset, dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. La grâce d'Allah et sa miséricorde, dit Cheikh l'Islam, c'est le Coran et la foi. C'est le Coran et la foi et l'Iman. Il dit, rahimahullah, celui qui se réjouit avec, il s'est réjoui avec la chose la plus importante de laquelle on doit se réjouir. Et celui qui se réjouit avec autre chose que le Coran, il est injuste avec lui-même et il a mis sa réjouissance là où il ne faut pas. Fin des paroles de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ceux-là, ce sont ceux qui ont compris la voie sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. Une autre messager sallallahu alayhi wa sallam se réjouissait d'une grande joie. Le bonheur l'habitait avec le Coran. L'imam Muslim cite le hadith d'Anas qui a dit: alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était au milieu de nous et s'est assoupi en baissant la tête et en fermant les yeux, puis il a relevé sa tête en ayant un large sourire. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Nous lui avons dit: qu'est-ce qui t'a fait sourire, ô messager d'Allah? Il a dit: à l'instant, il m'a été révélé une sourate, la sourate de l'abondance, dont la traduction nous dit cela. Nous t'avons accordé l'abondance. Accomplis donc la prière et le sacrifice pour ton Seigneur uniquement. Celui qui te déteste est privé de tout bien et de toute postérité. Quand cette sourate est descendu sur notre messager, il a relevé la tête en ayant un large sourire. Cette joie est causée. Et les nobles compagnons ont remarqué cela. Et il leur a expliqué ce qui a causé cette joie. Tout simplement la descendante de cette sourate, qui est une noble sourate du Coran. Dakar ibn Uthaymin rahimahullah, في خطبته عن فضائل القرآن، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن القرآن حبل الله المتين، والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول الشيخ العثيمين: هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد صدق، فإن القرآن مأدبة الله عز وجل، فيها الأوامر والنواهي، فيها الأخبار الصادقة، فيها القصص النافعة. انتهى من خطبته رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. Le noble cheikh, Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans une de ses khutbas qui l'a concerné au mérite du Coran, il a rapporté l'attar et la parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud a dit: ce Coran est un buffet. Certes, le Coran c'est la parole d'Allah, mais là c'est un exemple pour nous faire comprendre. Et comme l'a expliqué Cheikh Al-Uthaymeen, le buffet c'est le Coran contient des ordres, contient des choses qui sont interdites, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdites, contient des nouvelles. Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce concernant le futur, concernant ce qui est arrivé aux autres communautés, etc. Et donc c'est un ensemble de choses. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud là, lui a donné cette image du buffet. Dans le buffet, il y a quoi? Tu as plein de variétés de choses, hein, dans lesquelles tu vas te servir. Ah, c'est juste. Abdullah ibn Mas'ud nous donne cette image pour comprendre. Donc, Abdullah ibn Mas'ud a dit: ce Coran est un banquet, prenez ce, ou un buffet, comme tu veux. Prenez ce que vous pouvez de ce banquet. Le Coran, c'est l'insolite d'Allah. Le Coran, c'est la lumière claire. Le Coran, c'est la guérison bénéfique. Le Coran, c'est une protection pour celui qui s'y cramponne. Le Coran, c'est le salut pour celui qui le suit. Il ne dévira pas, il ne sera pas réprimandé, il ne sera pas tordu donc il n'aura pas besoin d'être redressé. Et il a dit, rahimahullah, radiyallahu anhu wa arda, les merveilles du Coran n'ont pas de fin, ils ne vieillent pas par la répétition. Et on ne se lasse pas en le lisant, récitez-le, Allah vous récompense pour sa récitation. Chaque lettre dit hasanat, je ne dis pas alif lam mim, c'est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre, et mim est une autre lettre. Et Cheikh Al-Uthaymeen dit, rahmatullah alayhi, ainsi a dit Abdullah ibn Mas'ud, et il a dit vrai, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré, il a été véridique. Le Coran est un banquet d'Allah, il contient les ordres et les interdictions, et s'il trouve aussi des nouvelles véridiques et des histoires bénéfiques. Fin de citation des paroles d'Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. وتأمل أخ الإسلام كيف كان الصحب الكرام يتعاملون مع القرآن. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضع يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخل ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. والحديث والأثر رواه البخاري رحمه الله تعالى. هكذا كان من أمرنا باتباعهم، هكذا كانوا يتعاملون مع كتاب الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وارضاهم. Et nous devons méditer comment les nobles compagnons رضوان الله عليهم se comportaient avec le Coran. Anas nous dit, quand il y a eu la révélation de ce verset, dont la traduction approximative du sens nous dit: vous ne parviendrez au bien que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Abu Talha s'est levé. Il a dit au messager d'Allah, Allah Azza wa Jal dit, il a cité le verset, et il a dit: radiyallahu anhu warda, ma fortune que j'aime le plus, c'est la ferme de Bayruha, une palmeraie qui était en face de la Qibla, dans la mosquée du prophète alayhi salam, souvent le rasoul sallallahu alayhi salam allait pour boire de l'eau douce de ce puits qu'il y avait à l'intérieur. Ouais, c'est l'appel Bayruha, le puits de Ha, une sorte de ferme. Et il a dit radiyallahu anhu warda, c'est la fortune que j'aime le plus. Et si tu nous montres pour Allah, j'espère sa récompense et qu'il me soit réservé chez Allah. Utilise-la comme Allah t'aura orienté. Le messager d'Allah a dit, Bakhin, Bakhin, c'est une fortune qui est du bénéfice. J'ai entendu ce que tu as dit et je vois qu'il faut que tu la donnes à tes proches. Abu Talha a dit, je le ferai au messager d'Allah. Abu Talha a partagé cette ferme à ses proches et ses cousins. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Ainsi étaient ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre leur chemin. Ils étaient ainsi avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala l'imam ibn Uthaymin, rahimahullah, fi khutbati fadli al-Qur'an, dhukira أن بعض العلماء قال له أحد النصارى وكان بين يديه طعام إنكم تقولون إن القرآن بيان لكل شيء فبين لي كيف يصنع هذا الطعام فدعا العالم صاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام فأخبره صاحب المطعم بذلك فقال العالم هكذا علمنا القرآن فإن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول رحمه الله ففي هذه الآية الكريمة إرشاد إلى طريق العلم بالمجهول فيكون وصولنا إلى العلم به من أهله من إرشاد القرآن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ابن عثيمين رحمة الله عليه ce grand imam, ce grand faqih a dit dans sa khutba sur les mérites du Coran, il a cité qu'un chrétien a dit à certains savants en ayant entre les mains un repas. Ce chrétien a dit à ce savant, vous dites que le Coran est un éclaircissement sur toute chose. Montre-moi comment se prépare cette nourriture. Où est-ce qu'on trouve ça dans le Coran? Le savant a appelé le restaurateur, le cuisinier, et lui a dit, comment tu as préparé ce repas? Le restaurateur lui a expliqué. Le savant a dit au chrétien, c'est ce que nous a appris le Coran, car il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, interrogez ceux qui en détiennent la connaissance, si vous ne savez pas. Il dit, rahimahullah, dans ce verset, il y a l'orientation vers la voie de la connaissance de quelque chose qu'on ignore, et qu'on n'arrivera à connaître que par le biais de ceux qui en détiennent la connaissance. Et ceci, c'est l'orientation du Coran. Fin des citations des paroles d'Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Fa, awwal wajibin ala l'ummati l'islamiyya tujahada al-Qur'an l'iman bihi, wal iman bi annahu kalamu rabbina subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tout le monde le sait, hein, et le premier des droits du Coran, c'est le fait de croire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Coran al-Karim, كلام ربنا قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا القرآن نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين ونزل به على أكرم خلق الله أكرم الملائكة وأفضلهم أنزل بالقرآن على أكرم خلق الله عز وجل وأشرفهم عند الله وكما قال سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن فهمنا الله سبحانه وتعالى القرآن سي لا بارول دالله كوم فو لو سافي توس الله سبحانه وتعالى a parlé avec il a confié à جبريل qu'il a descendu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit parmi les annonciateurs et les avertisseurs avec une langue arabe. Avec une langue arabe claire, Le Coran, c'est la parole d'Allah, la plus véridique des paroles. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, qui est plus véridique qu'Allah en ses paroles. Et dans l'autre verset, il est dit, qui pourrait tenir des propos plus véridiques qu'Allah? Et donc, notre première obligation, c'est d'y croire et de croire que c'est la parole d'Allah et que c'est la parole de notre souverain subhanahu wa ta'ala. Et écoute ce qu'il dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens. Et si un polythéiste demande ta protection, accorde-la lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Cette parole d'Allah, le plus noble des messagers parmi les anges, est descendu avec sur le plus noble des messagers humains. Comme cela est dit dans la traduction approximative du sens du verset. Ce Coran est une révélation émanant du Seigneur de l'univers, descendu du ciel par l'Esprit fidèle, qui te l'a récité et que tu as retenu en ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en langue arabe claire. Et ceci doit attirer notre attention, que le Coran, ainsi que la science qu'il contient, ne s'apprend pas comme ça individuellement. Mais l'étudiant, et le réel étudiant, doit les apprendre de ceux qui en sont dignes. Méditer, Jibril est venu avec. Il est venu l'apprendre au messager, alayhi salam. Et après le messager, alayhi salam, l'a appris à ses nobles compagnons, qui l'ont appris à leurs successeurs, et ainsi de suite. C'est une chaîne ininterrompue. Hein? Et ceci est très important. فالقرآن الكريم وحبل الله المتين وهو النور المبين وهو الصراط المستقيم عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله في المحرر الوجيز وصف الكتاب بالعزة لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه والإزراء عليه وهو محفوظ من الله تعالى قال ابن عباس معناه كريم على الله تعالى وقال مقاتل منيع من الشيطان قال السدي غير مخلوق انتهى كلام ابن عطية رحمه الله تعالى. Et le noble Coran, c'est la corde solide, c'est l'onde solide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la lumière claire, c'est la voie droite, c'est une citadelle de protection pour celui qui se protège avec. C'est une issue pour être sauvé pour celui qui le met en application. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit cela. Alif Lam, Ra, ceci est un livre au verset parfait, détaillé, émanant d'un sage connaissant parfaitement toutes choses. Dans l'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit cela, car c'est un livre inattaquable, le faux ne l'atteint d'aucune part, et il est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Ibn Atiyya al-Andalusi, rahimahullah, dans le Muharra al-Wajiz, a dit, Allah a décrit le Coran par la puissance. Et comme quoi le Coran, il est inattaquable, impossible de le critiquer. Il est préservé par Allah. Ibn Abbas a dit, il est élevé auprès d'Allah. Muqatil a dit, il est protégé du shaitan. Ceci a dit, ce n'est pas une créature. Le Coran, ce n'est pas une créature. Fin des paroles citées par ابن عطية رحمه الله توصل أن تخبتسون كلا في القرآن قال بعض السلف فيما يخص القرآن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Certains de nos plus prédécesseurs, doit Allah alim, ont dit du Coran. Il contient les nouvelles de ceux qui vous ont précédés et les nouvelles de ceux qui vont venir. Tout ce qu'il y a qui va arriver dans l'avenir, il est dans le Coran, que ce soit après la mort et ce qu'il va y avoir pendant la résurrection. Ainsi, tout est cité dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un juge entre vous, c'est une parole véridique et non un discours frivole. Le tyran qui délaisse le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala le brise. Et celui qui cherche la guider en dehors du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'égare. Allah a garanti à celui qui le lit, le met en application, qu'il ne s'égarera pas dans ce bas monde et qu'il ne sera pas malheureux dans le delà. Le Coran al-Karim, wa an-nur al-mubin, قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فحيث الوجود فحياة الوجودين الروح والجسم بالنور، وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه حياة القلب فيه انفساحه وسعته كما جاء في الترمذي وهو حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. وقال: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. Et le noble Coran, c'est la lumière claire. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: ô homme, une preuve manifeste vous est parvenue de votre Seigneur et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. وقال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. La traduction approximative du sens du verset dit: croyez donc en Allah et en son messager et en la lumière, c'est-à-dire le Coran que nous avons fait descendre. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال السعدي رحمه الله عند هذه الآية: فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العاملين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارة، إذ به تقوم عليهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ الذي تزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعل العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والتواب العاجل والآجل. Donc le Coran, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, est une guérison et un remède de ce que contient les poitrines. C'est une guidée et une miséricorde et une bonne annonce pour les croyants et pour les bienfaisants. Et il dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: ô gens, vous êtes parvenus de votre Seigneur une exhortation, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Et il dit dans l'autre verset, Alif Lam Mim, voici les versets du livre clair, il est un guide et une miséricorde pour les bienfaisants. Et dans l'autre verset, c'était ici, il dit, le Coran que nous avons, dans la traduction approximative, nous dit cela, le Coran que nous révélons est une guérison, une miséricorde pour les croyants. Cependant, il ne fait qu'accroître la perdition des transgresseurs. Sa'di rahimahullah, l'imam Sa'di rahimahullah dit concernant ce verset, le Coran contient la guérison, la miséricorde, mais ceci n'est pas pour tout le monde. Ceci n'est dû qu'à ceux qui croient en ces versets et qui le mettent en application. Quant aux transgresseurs qui ne croient pas en le Coran ou qui ne le mettent pas en application, ces versets ne font qu'augmenter leur perte. Car avec le Coran s'accomplit la preuve contre eux. Et il a dit, rahimahullah, les remèdes que contient le Coran englobent les remèdes des cœurs contre les ambiguïtés, contre l'ignorance et contre les fausses opinions et contre la mauvaise déviance et les mauvais buts. Et il contient la science sûre par le biais de laquelle s'anéantit toute ambiguïté et toute ignorance. Et il contient l'exhortation qui dissipe toute forme de tentation qui est en divergence avec l'ordre d'Allah. Et il contient les remèdes pour toutes sortes de souffrances et toutes sortes de maladies du corps et du cœur. Quant à la miséricorde, il dit, rahimahullah, quant à la miséricorde du Coran, il incite aux causes et aux moyens du bien. Si la personne les accomplit, il gagne la miséricorde et le bonheur éternel et les récompenses immédiates dans ce bas monde et dans le delà. Fin des paroles de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Fahada tadkirun an kalami rabbil izzati subhanahu wa ta'ala. فالقرآن الكريم له علينا حقوق كثيرة. أولا بعد الإيمان به أن نتلوه حق تلاوته وأن نرتله ترتيلا ونحسن أصواتنا به. فكم من المسلمين يهملون هذا الأمر، ولا بد، وحق التلاوة هو امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذه هي الغاية التي من أجلها أنزل القرآن. ومر معنا كلام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه فيما يخص حق التلاوة. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وأمره صلى الله عليه وسلم، أمره سبحانه وتعالى أن يصرح بهذا الأمر، فقال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وجعل الله عز وجل تلاوة القرآن عنوان الإيمان، فقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. فمن واجبنا أن نحسن أصواتنا عند تلاوة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في سنن الدارمي وهو في صحيح الجامع كذلك، زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وأحسن الناس صوتا بالقرآن الذي يقرأه مرتلا آية آية، وإذا سمعته حسبته يخشى الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند ابن ماجة، إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, ceci a été un bref rappel sur les qualités du Coran et les descriptions du Coran telles qu'ils ont été citées dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que l'un des premiers devoirs que nous avons vis-à-vis du Coran, c'est de croire que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les devoirs des croyants vis-à-vis du Coran, et les devoirs vis-à-vis du Coran sont nombreux parmi ceux-là, hein, c'est le fait de le réciter correctement, d'embellir la voix durant sa lecture. Il ne doit pas être lu comme n'importe quel livre. Il est obligatoire de le réciter comme il se doit. Et ceci se concrétise aussi par le fait de mettre en application ses ordres et s'abstenir de ce qu'il a interdit. C'est le but pour lequel il a été révélé. Et nous avons vu auparavant les paroles du Cheikh Ibn Uthaymeen à ce niveau. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de réciter le Coran. Et il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, récite et suis ce qui t'a été révélé du livre, ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Allah a ordonné à son messager alayhi salam de déclarer cet ordre lors de la récitation du Coran et du fait de suivre le Coran. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, « Je n'ai reçu pour ordre que d'adorer le Seigneur de cette cité dont il a fait un territoire sacré et à lui appartiennent toutes choses. Il m'a également été ordonné d'être du nombre des soumis, de réciter, de suivre le Coran. » Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la lecture du suivi du Coran et de sa récitation un signe parmi les signes de la foi. Comme il est relaté dans la traduction approximative du sens du verset, ceux à qui nous avons donné le livre le récitent en le suivant, comme il se doit, ceux-là y croient réellement. Donc il incombe aux musulmans d'embellir leur voix quand ils récitent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le réciter lentement, comme cela est dit dans maintes versets. Dans la traduction de certains, nous dit cela et récite le Coran lentement et clairement. Et dans le hadith sahih rapporté par Darimi, il est dans Sahih al-Jami' du Cheikh Nasr al-Albani rahimahullah, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Embellissez le Coran par vos voix, car la bonne voix augmente la beauté du Coran. » Et la meilleure voix dans la lecture du Coran, c'est la voix de celui qui le lit lentement et clairement. Quand tu l'entends réciter le Coran, tu sens la crainte d'Allah. Comme cela est dit dans le hadith authentique, dans Sahih ibn Majah, rahimahullah, où le messager a dit, la voix que tu entends réciter le Coran et te fait sentir que la personne craint Allah, c'est la meilleure voix dans la récitation du Coran. Et on arrête là pour l'instant. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli allahumma wa sallim wa barik. على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.